écoutez la radio Isanganiro, c'est le moment de suivre le journal en français dont voici la charpente. Le coordinateur national des ligues du parti CNDD-FDD indique qu'il va s'occuper du cas de l'ancien président Domitien Ndayizeye s'il n'arrête pas de donner des conseils qualifiés de sans fondement à l'endroit des jeunes Zemmour et Lacouré de son parti. Un véhicule de marque IAS a été brûlé par des malfaiteurs dans la nuit de samedi à dimanche sur la route Bujumbura-Chibitoke. Une personne a trouvé la mort, une autre a été blessée. La couronne de Miss Burundi 2017 a été remportée hier par la candidate venue de Ruyigi. Quant à celle venue de Karusi et Changudo, elles occupent respectivement la deuxième et troisième place. Dans ce journal, nous reviendrons sur les cérémonies de ce couronnement. Les manettes sont tenues par Jean-Doudou Ndaïsenga. La présentation, Alida Ndaïkeza. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore et commençons par la politique. Le parti CNDD-FDD met en garde l'ex-président Domitien Ndayizeye qu'il va lui coûter cher si une fois il continue à prodiguer des conseils à l'endroit des jeunes de ce parti au pouvoir. À l'occasion de la démonstration de force de ces jeunes ce samedi, Sylvestre Ndayizeye, coordinateur national des ligues du parti CNDD-FDD, a indiqué publiquement que cet ancien président qu'il appelle Sokuru, ce qui signifie grand-père, n'a pas de leçon à donner aux Imbonerakure. Suivez Sylvestre Ndayizeye, coordinateur national des ligues du parti CNDD-FDD, traduit en français par Placide Niyomungere. Notre grand-père, l'ancien président Domitien Ndayizeye, a tenu des propos il y a quelques jours, nous appelant des déséquilibrés. Mais nous pensons qu'il s'est trompé et cela peut arriver. Il a dit que la jeunesse s'est sacrifiée en abandonnant sa vie pour aller à la guerre. Une des conséquences, c'est que parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont été traumatisés par la guerre. Il n'y a pas si longtemps, cet ancien président a voulu détruire son ancien parti politique, Sawanya Frodebou. Il a quitté et a créé un autre rassemblement dénommé RANAC. Il ne s'est pas arrêté là. Il a travaillé avec ceux qui ont déstabilisé le pays en 2015. Nous avons bien vu qu'il était très proche du Sénaret. Nous le mettons en garde, même s'il est notre grand-père. Nous lui disons que trop c'est trop. S'il recommence encore une fois à tenir des propos pareils, nous allons nous occuper de son cas. Nous le promettons. Nous allons nous en occuper qu'il sache ce qu'il est et qu'il nous respecte. S'il veut toujours travailler pour les berges, qu'il les rejoigne. Il a trahi ses frères. Domitien Ndayizeye n'a aucune leçon à donner pour le compte des Imbonerakure du CNDD-FDD. Nous voulons juste ici lui informer que la jeunesse burundaise ne peut pas le considérer comme un modèle à suivre. Nous profitons de cette occasion pour faire un clin d'œil à ceux qui pensent comme lui. Vous n'avez pas le droit de donner des conseils aux jeunes qui n'est pas les vôtres. Chers jeunes Imbonerakure, soyez vigilants et calmes. Il y aura toujours des tempêtes, mais nous devons tenir bon. Sur ces propos de Sylvestre Ndayizeye, coordinateur national des ligues du parti CNDD-FDD, la rédaction de la radio Isanganiro a préféré revenir sur ce qu'avait déclaré l'ancien président Domitien Ndayizeye. Il avait déploré les discours haineux de certains responsables qui ont souvent incité la population de la base à des soulèvements. Suivez-le. J'ai entendu au début de la crise des propos désobligeants de la part de certains responsables, mais je me rends compte que ces derniers temps, ça a diminué. Mais les menaces sont entendus souvent au niveau de la base. Mais ces gens-là, ce sont des gens qui ont un niveau politique assez bas. Et je suis sûr qu'ils ne maîtrisent pas les relations politiques et la géopolitique actuelle pour comprendre la portée de ce qu'ils font. Parce qu'ils peuvent aller trop loin. Et cela peut avoir des risques de conflagration entre nos deux pays. Et cela n'avantagerait personne. Il faut que le gouvernement burundais fasse des efforts pour instaurer au Burundi un environnement politique sain qui va faire en sorte que nos compatriotes puissent rentrer. Il ne sert à rien aujourd'hui que le Burundi tienne un langage, et le langage que nous en avons aujourd'hui, comme quoi ils vont attaquer le Rwanda, ils vont atterrir sur Kigali, etc. Ça, ce sont des paroles, tout simplement, parce que personne ne peut garantir ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi ? Parce qu'on sait toujours quand la guerre commence, parce qu'on la déclenche, mais quand la guerre se termine, personne ne le sait. Alors, le Burundi et le Rwanda ne gagnent rien. Moi, je considère qu'il vaut mieux, plutôt qu'entrer dans cet engrenage de violence entre les pays, prendre ces moyens et les utiliser pour notre propre développement. Et si jamais entre le Rwanda et le Burundi, cela ne marchait pas, il y a l'East African Community. Il y a des organes qui sont là pour la gestion des conflits. Et je suis sûr que les garanties qui existent entre tous ces pays là-bas garantissent aussi la sécurité de chaque pays. Et ils ne peuvent accepter qu'un quelconque pays aille déstabiliser l'autre. Clôturons le dossier politique en nous rendant à Rumonge, où le secrétaire national du FNL a indiqué que la démocratie s'est implantée au Burundi, puisque ce pays est dirigé par un président Hutu. Jeanne Ndimubandi l'a dit ce samedi à Rumonge, alors qu'elle appelait les Banamari Medamizero et Abarundi de regagner le bercail pour se préparer aux élections de 2020. Jean-Pierre Misago. Pour Jeanne Ndimubandi, secrétaire national du parti FNL, la démocratie s'est implantée au Burundi car ce pays est dirigé par un président Hutu. Dans son discours aux représentants communaux du FNL en province de Rumonge, ce samedi à Rumonge même, cette autorité du FNL a déclaré que la promesse annoncée par Gautou Rémy, leur leader historique, s'est déjà concrétisée et il ne reste plus qu'à bénéficier de ses dividendes. Pour cette raison, la secrétaire nationale du FNL appelle Obana Marimwe de la coalition Amizero y'Abarundi de regagner le FNL pour travailler dans la légalité et commencer dès maintenant à enseigner le parti pour remporter les élections de 2020 qui s'annoncent déjà. Jeanne Ndimubandi a accusé publiquement la coalition Amizero y'Abarundi de vouloir prendre le pouvoir par la force, ce qui est impossible dans un pays démocratique comme le Burundi. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro. Parlons sécurité en allant à Chibitoke. Une personne tuée, une autre grièvement blessée. Un véhicule de marque IAS calciné était le bilan d'une embuscade tendue dans la nuit d'hier par un groupe armé sur la route Bujumbura-Chibitoke. Notre consoeur Space Caritas Kabanyana nous a indiqué que les forces de l'ordre ne lui ont pas facilité la tâche. Quand elle est arrivée sur les lieux, elle vient d'être rejointe au téléphone par Evariste Nzikobanyanga. Je suis justement à Kagunuzi, en zone d'Ava, de la province de Chibitoke, où une embuscade a été tendue au cours de cette nuit vers 21h, selon les habitants de la localité. Et l'embuscade a été tendue par des hommes armés qui n'ont pas été identifiés. Et un certain Asman a été tué. Il est le propriétaire du véhicule de marque IAS, qui a été également calciné. Le chauffeur a été grièvement blessé. Il est dans un état très critique selon les habitants de Kagunuzi. Alors, le véhicule calciné est couvert. Comme nous l'avons vu, le véhicule calciné est couvert d'un grand fitting à côté de la route. Le trafic sur Bujumbura-Chibitoke a été interrompu pendant plus de 25 minutes au moment où on était en train de dépanner le véhicule qui a été brûlé. Et pour le moment, c'est un camion militaire qui vient de dépanner ce véhicule de marque IAS vers la province de Chibitoke. Oui, tu es arrivé sur le lieu. Comment se porte la population de la place? Visiblement, la population de la place a peur. Il y a des habitants de Kagunuzi qui sont regroupés dans de petits groupes, même si les forces de l'ordre n'ont pas accepté qu'ils s'approchent du lieu de l'incident. Ils sont regroupés dans de petits groupes en train de parler de ce qui s'est passé au cours de cette nuit. Et ils disent que les tirs ont été entendus pendant plus de 2 heures. Je pense que tu viens de préciser que la population n'a pas été permise d'approcher là où l'incident a eu lieu. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez pu accéder à la place? Il ne m'a pas été facile d'accéder à l'information. Au moment où je suis arrivée au lieu de l'incident, il y a les militaires et les policiers qui m'ont demandé ce que je suis, qu'est-ce que je viens faire? J'ai répondu que je suis journaliste. Ils avaient pris quelques photos. Ils m'ont dit, donnez ce téléphone. Il est interdit de prendre des photos. J'ai dit, je vais moi-même effacer. Ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit, donnez directement ce téléphone. J'ai donné, mais j'ai approché. Je leur ai demandé que j'efface moi-même les photos qu'ils avaient prises. J'ai effacé. Puis, ils m'ont remis le téléphone et m'ont embarqué dans le véhicule pour m'éloigner encore plus du lieu de l'incident. C'était notre consoeur Space Caritas Kabanyana qui était sur les lieux de cette embuscade. Et à ce même sujet, le porte-parole de la police burundaise confirme cette embuscade tendue par des personnes armées de fusils dans la nuit de ce samedi à dimanche à Kagunuzi en zone Buganda. Piangulikiye indique que ces malfaiteurs n'ont pas été identifiés, mais que les forces de l'ordre ont commencé à mener les enquêtes. Suivez Pierre Ngulikiye. C'était hier vers 21h30 lorsque un bus est tombé dans une embuscade tendue par quatre criminels armés de fusils Kalachnikov qui ont tiré sur le bus, tuant sur le champ un certain Asman qui conduisait le bus et blessant un autre passager qui était à bord. Ils étaient à deux dans un véhicule. L'autre blessé s'appelle Jimmy. Il a été évacué à l'hôpital. Et le bus est arrivé à cet endroit au moment où les criminels avaient arrêté une moto et voulaient voler les gens qui se trouvaient sur cette moto. Lorsque le bus est arrivé, ils ont laissé la moto pour tirer sur le bus et ceux qui étaient à bord de la moto ont profité pour prendre le large. Après les faits, la poursuite a commencé et jusqu'à maintenant, les forces de sécurité font le tout possible pour pouvoir appréhender les criminels et saisir les armes qu'ils détenaient en vue de les traduire devant la justice. Les mesures de sécurité, c'est d'abord cette poursuite qui a commencé, qui continue jusqu'à maintenant, mais aussi d'autres mesures, c'est également de renforcer la sécurité partout où cela s'avère nécessaire pour éviter que d'autres criminels ne perturbent pas la quiétude de la population. Il n'y avait aucun signe d'insécurité dans cette localité. Les faits se sont produits alors que l'endroit était vraiment calme. Terminons ce journal par la page culture. Un accompagnement par des opérateurs économiques est nécessaire pour soutenir la nouvelle Miss Burundi 2017-2018. Cela est dit par André Hakizimana, chargé de la communication au sein de Miss Burundi. Pour lui, cet accompagnement permettrait à la nouvelle Miss de réaliser son projet. Il a dit ce samedi lors de la finale de cette compétition. Les détails avec Christian Xavier. Quelle vision de splendeur, en effet, ces deux belles jeunes demoiselles. L'ambiance était totale avec la présence des comédiens, des artistes et chanteurs comme Farias. Également, la présence de la Miss East Africa France, une Burundaise du nom de Tete Aliès Noëlla. Et le moment tant attendu arrive. La proclamation. Miss Burundi 2017, Mademoiselle Annie Bernice. André Hakizimana fait partie de l'équipe organisateur. Il est content et pense déjà accompagner la Miss Burundi 2017. Le jury a pris presque trois quarts d'heure pour délibérer et vous comprenez bien que ça n'a pas été facile. Mais nous sommes très contents et confiants du choix du jury et nous savons bien que le Annie Bernice Nikuze, avec notre soutien, nous côté organisation et avec le soutien de tout le peuple burundais, des institutions au bas peuple, Annie Bernice Nikuze doit accomplir son projet. C'est un projet qui est très bénéfique pour ce pays, pour la jeunesse de ce pays. Et je pense que ce serait bien que tout le monde la soutienne. Nous lançons un appel à toutes les entreprises sponsors qui ont sponsorisé cette soirée pour que elle puisse aussi continuer à soutenir celle qui vient d'être créée. L'année passée, on n'a pas eu carrément de sponsors. Mais cette année, quand même, nous avons eu 3-4 entreprises premium qui nous ont sponsorisés et qui nous ont donné des fonds pour organiser tout ce travail. Mais je pense que le gros du travail reste à venir, contrairement à l'année dernière où on n'avait carrément rien. Merci beaucoup à toutes ces entreprises. Vous saurez que la nouvelle Miss Burundi 2017, Annie Bernice Nikuze, a gagné une voiture neuve. Merci Christian Xavier pour ces détails. Donc vous l'avez compris que la couronne a été gagnée par Annie Bernice de Ruigi. La première dauphine Arlette Akimana vient de Karusi et la deuxième dauphine Monia Gateka est de Changuzo. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Jean de Dieu Ndaïsenga pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Alida Ndaïkeza. Bon après-midi dominical à tous.